que Masséna son ignorante enfant. Tu l'as trouvée tellement belle. Tu regardes, tu l'as déshabillée. Elle ne savait pas ce qui se passait. Depuis que tes doigts se sont approchés, ton nom me pourchasse ses pensées, tout mélangé dans sa tête, sans qu'on la répugne. Je voudrais réapprendre à sourire.